pas de l'aube. Ouais, je suis mauvais pour les billets mauves. On charge des lovers, pas de l'aube. Ouais, je suis mauvais pour les billets mauves. Elle m'a vu dans ma cité, elle a flashé. Milieu relayeur sur le terrain, j'étais placé. Elle me fait des attaques, mais j'ai dû contrer. Apparemment, elle est célibre, moi, c'est le contraire. Mais j'ai pas le temps pour jouer à ça. C'est vrai que t'es mignonne, mais j'aime trop les mapper ça. Pas d'amour pour m'apaiser, du toucher dans la besette. Zéro trop dans la recette, que des trous sur tes fossettes. Je lui dis qu'elle doit décaler, qu'ici c'est mal fréquenté. T'as tout pour plaire à un homme, pour qu'on la trafique en ville. Apparemment elle aime ça. Mais bon, moi je le sais pas. Je compte pas, c'est une seule pas. Les condés m'écoutent sur ma seppu. Bitch, mets-toi sur le deck. Orani, mon cœur, ni mama, ya ya ya. J'passe mon temps dans le check. Avec mes bouts, j'fais mes bas, ya ya ya. On charge des lovers, pas de l'aube. Ouais, j'suis mauvais pour les billets mauves. On charge des lovers, pas de l'aube. Ouais, j'suis mauvais pour les billets mauves. Faut que j'en parle à mon équipe, sinon j'vais tomber amoureux. Depuis un mois, elle se prend pour ma racli, elle me fait la morale. J'me dis qu'elle veut mon bien, mais moi j'suis parano. T'as dit qu'elle est là pour les sous, donc t'allais voir un autre. J'ai donné ma confiance, on me l'a rendu abîmé. J'suis désolé pour nous, mais là ça va chiner. J'ai donné ma confiance, on me l'a rendu abîmé. J'suis désolé pour nous, mais là ça va chiner. J'en ai marre de dire que ça va bien quand ça ne va pas. J'en ai marre de sourire quand tu me fais du mal et que tu t'en vas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mon cœur a mal. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mon cœur a mal. Je me mettrai pas sur le deck. Je veux juste ton cœur, pas ta maille. Aïe, aïe, aïe, aïe, pense à toi dans ma tête. Quand dehors tu fais tes bails. Aïe, aïe, aïe, mon cher, t'es lové, pas de l'aube. Toi t'es mauvais pour tes billets mauves. Mon cher, t'es lové, pas de l'aube. Et toi t'es mauvais pour des billets.